Comment Pierre fonda la ville, par Henryk Sienkiewicz. Néron trônait dans sa gloire, effroyable, plus puissant que jamais, maître de toutes les mers et de tous les continents. Souvent déjà Pierre, le pécheur du Seigneur, avait, dans la solitude, tendu les bras vers le ciel en disant « Seigneur, que dois-je entreprendre ? Comment me maintiendrai-je à Rome ? Comment, impuissant vieillard, lutterai-je contre l'inépuisable force du mal auquel tu as permis de régner et de vaincre ?» Et du fond de sa douleur, l'invoquait ainsi, répétant « Ils ont péri, les agneaux que tu m'avais confiés. Ton église n'est plus. La solitude et le deuil sont dans la ville. Que me commandes-tu en ce jour ? Dois-je rester ici ? Dois-je emmener les débris de ton troupeau, afin qu'au-delà des mers, nous puissions encore glorifier ton nom ?» Et il hésitait. Il avait foi que la vivante vérité ne périrait point, et qu'elle devait vaincre. Mais parfois, il pensait que l'heure de la victoire ne viendrait qu'au jour où le Seigneur descendrait sur la terre dans sa toute-puissance. Souvent, il lui semblait que si lui-même quittait Rome, les fidèles le suivraient. Alors il les mènerait loin, très loin, vers les bois ombres de la Galilée, vers le calme miroir du lac de Tibériade. Mais dès qu'il décidait de partir, une angoisse l'étreignait. Comment quitter cette ville où le sang de tant de martyrs avait imprégné la terre, où tant de lèvres agonisantes avaient témoigné de la vérité? Devait-il, lui seul, éloigner ce calice de ses lèvres? Et que répondrait-il au Seigneur quand il entendrait les paroles « Ceux-là sont morts pour leur foi, et toi, tu as fui ?» Ces nuits et ces jours se succédaient dans l'anxiété. Les autres, ceux qu'avait déchiré les lions, ceux que l'on avait cloués aux croix, que l'on avait brûlés dans les jardins de César, s'étaient endormis, après leur supplice, dans le sein du Seigneur. Lui ne pouvait dormir, et il traversait un martyre plus grand que tous les martyrs qu'avaient inventés les bourreaux. Souvent, l'aube blanchissait les toits, qu'il appelait encore du fond de son cœur attristé. « Seigneur, pourquoi m'as-tu commandé de venir en ce lieu et de fonder ta ville dans le nid de la bête ?» Depuis 34 ans, depuis la mort du maître, il n'avait point connu le repos. Le bourdon du pèlerin à la main, il avait parcouru le monde et annoncé la bonne nouvelle. Ses forces étaient épuisées dans les voyages et le labeur, et quand enfin, dans cette ville qui était la tête du monde, il avait édifié l'œuvre du maître, une seule flamboyante alnée de la fureur avait brûlé sur cette œuvre. Et maintenant, il fallait à nouveau reprendre la lutte. Et quelle lutte ! D'un côté, Néron, le Sénat, le peuple, des légions étreignant d'un anneau de fer le monde entier, des villes innombrables, d'innombrables territoires, une puissance comme jamais l'œil humain n'en avait contemplé de semblable, et de l'autre côté, lui, tellement courbé par l'âge et la tâche que ses mains branlantes avaient peine à soulever son bâton de voyageur. Et par moments, il se disait que ce n'était point lui de se mesurer avec le César de Rome, et que cette œuvre, Christ seul, pouvait l'accomplir. D'aucuns, l'entourant d'un cercle toujours plus étroit, répétaient d'une voix suppliante « Cache-toi, Rabbi, et sauve-nous de la puissance de la bête !» Enfin, Linus courba devant lui sa tête torturée. « Seigneur, dit-il, le Sauveur t'a dit « Paix, mes agneaux !» Mais les agneaux ne sont plus, ou seront exterminés demain. Retourne là où tu peux les retrouver. La parole divine est encore vivante à Éphèse et à Jérusalem et à Antioche et dans les autres cités. Pourquoi rester à Rome? Si tu péris, tu rendras plus absolu encore le triomphe de la bête. À Jean, le Seigneur n'a point marqué le terme de la vie. Paul est citoyen romain et ils peuvent le frapper sans le juger. Mais si la force infernale s'abat sur toi, notre maître, alors ceux en qui déjà le cœur est ébranlé diront « Qui donc est au-dessus de Néron ?» Tu es la pierre sur laquelle est édifiée l'Église de Dieu. Laisse-nous mourir, mais ne permets pas que l'Antéchrist soit victorieux du vicaire de Dieu, et ne reviens pas avant que Dieu ait anéanti celui qui a fait couler le sang des innocents. « Vois nos larmes !» répétèrent les autres. Les larmes baignaient le visage de Pierre. Il se leva, tendit les mains au-dessus des fidèles agenouillés et dit « Que soit glorifié le nom du Seigneur et que sa volonté se fasse !» À l'aube du lendemain, deux sombres silhouettes s'avançaient sur la voie appienne vers les plaines de la Campanie. L'une d'elles était Nazaire, et l'autre était Pierre, qui abandonnait Rome et ses enfants, que l'on martyrisait dans Rome. À l'Orient, le ciel revêtait déjà d'impalpables teintes viridines qui peu à peu sourlaient très bas sur l'horizon, de safran toujours plus distinct. L'argent des feuillages, le marbre blanc des villas et les arches des aqueducs, qui par la plaine s'acheminaient vers Rome, émergeaient lentement des ténèbres. Le ciel s'éclaircissait par degrés, s'imbibant à mesure d'or liquide. Puis l'Orient se mit à rosir et éclaira les montagnes albaines, qui apparurent, merveilleuses et liliales, et comme formées de seule clarté. L'aurore se mirait aux gouttes de rosée, parmi le frisson des ramures. La brume se dissolvait, découvrant de proche en proche l'étendue de la plaine, parsemée de maisons, de cimetières, de villages et de bouquets d'arbres où blanchissaient des colonnes de temples. La route était déserte. Les campagnards qui portaient leurs légumes vers la ville n'avaient point encore attelé leurs chariots. Sur le dallage de pierre, dont jusqu'aux montagnes était formée la voie, résonnait faiblement le bois des sandales de voyage des deux pèlerins. Ensuite, le soleil émergea de dessous une croupe de montagne, et un spectacle étrange vint frapper les yeux de l'apôtre. Il lui sembla que la sphère blonde, au lieu de s'élever dans les cieux, avait glissé du haut des monts et suivait le profil de la route. Pierre s'arrêta et dit « Tu vois cette clarté qui s'avance vers nous ?»« Je ne vois rien, » dit Nazaire. Mais Pierre abrita ses yeux de sa main et après un moment « Un homme vient vers nous dans le rayonnement du soleil. » Pourtant le son des pas ne parvenait point à leurs oreilles. Alentour c'était le silence absolu. Nazaire voyait seulement que dans le lointain les arbres frissonnaient, comme agités par une main invisible, et que sur la plaine s'épandait, toujours plus ample, la clarté. Et il regarda l'apôtre avec surprise. « Ravi, qu'as-tu donc ? » s'écria-t-il d'une voix anxieuse. Des mains de pierre, le bourdon avait glissé sur le chemin. Ses yeux regardaient fixement devant lui. Sa bouche était entrouverte, et son visage reflétait la stupeur, la joie, le ravissement. Il se jeta à genoux, les mains tendues, et de sa bouche jaillit « Christ, Christ !» Et il s'abattit, la tête contre terre, comme s'il eût baisé des pieds invisibles. Longtemps le silence régna, puis la voix du vieillard s'éleva, brisée de sanglots. « Quo vadis, Domine ?» Et la réponse ne fut point entendue par Nazaire, mais aux oreilles de l'apôtre parvint une voix triste et douce qui disait « Lorsque tu abandonnes mon peuple, je vais à Rome, pour qu'une fois encore on me crucifie. » L'apôtre restait étendu sur la route, le visage dans la poussière, sans un geste, sans un mot. Nazaire pensait déjà qu'il avait perdu connaissance ou qu'il avait expiré. Mais lui se leva enfin, reprit dans ses mains tremblantes son bâton de pèlerin, et sans parler, se retourna et fit face aux sept collines. Le jeune garçon alors répéta comme un écho « Quo vadis, Domine ?»« À Rome, » dit doucement l'apôtre, et il revint vers Rome. Paul, Jean, Linus et tous les adeptes le reçurent avec surprise et anxiété. À son départ, les prétoriens avaient cerné la maison de Myriam cherchant l'apôtre. Mais à toutes les questions si fidèles, Pierre répondait avec une joie paisible « Le Seigneur, je l'ai vu. » Et ce même soir, il se rendit au cimetière d'Ostrianum, afin d'enseigner la parole de Dieu et de baptiser ceux qui voulaient être baignés dans l'eau de la vie. Depuis lors, il y vint tous les jours, et des foules toujours plus nombreuses le suivaient. Il semblait que chaque larme de martyr fit naître de nouveaux fidèles, et que chaque gémissement dans l'arène se répercuta dans des milliers de poitrines. César nageait dans le sang. Rome et tout l'univers païen déliraient. Mais ceux qui étaient là de crime et de démence, ceux que l'on foulait aux pieds, ceux dont la vie était une vie d'infortune et d'immolation, tous les opprimés, tous les affligés, tous les déshérités, venaient ouïr le conte surprenant de ce Dieu qui, par amour des hommes, s'était laissé crucifier et avait racheté leurs péchés. Et, retrouvant un Dieu qu'ils pouvaient aimer, ils retrouvaient ce que le monde n'avait pu leur donner jusqu'ici, le bonheur par l'amour. Pierre comprit que désormais César, avec toutes ses légions, ne pourrait plus terrasser la vivante vérité, qu'elle ne serait submergée ni par les larmes, ni par le sang, et que maintenant commençait la victoire. Il comprit pourquoi le Seigneur l'avait fait revenir sur ses pas. Voici que déjà, la cité de superbe, de crime, de débauche et de toute puissance devenait sa ville à lui. Elle devenait la double capitale, rectrice des corps et des âmes. Et les temps s'accomplirent pour Pierre et pour Paul. Puis vint l'heure du martyr. Le vénérable apôtre subit d'abord les verges prescrites par la loi. Le lendemain, on devait le conduire hors des murailles, vers les collines vaticanes où l'attendait le supplice assigné. Le long de la route, les gens s'arrêtaient avec surprise à la vue du vieillard, et les fidèles, leur posant la main sur l'épaule, disaient, calme, « Regardez, ainsi va vers la mort injuste qui a connu Christos et enseigné l'amour au monde entier. » Et les passants, pleins de pensées graves, s'en allaient en songeant. En vérité, celui-ci ne pouvait être qu'injuste. Les clameurs se taisaient et les appels de la rue. Le cortège s'avançait parmi la blancheur des temples et des maisons récemment édifiées. En haut, c'était l'azur profond d'un ciel sans tache. Il marchait en silence, avec parfois un cliquetis de fer ou un murmure d'oraison. Le visage de Pierre rayonnait d'une joie toujours plus intense, car son regard pouvait à peine embrasser les milliers de ses fidèles. Il savait avoir accompli son œuvre. Cette vérité, toute sa vie, il avait enseignée, serait le flot qui submerge et que plus rien ne peut endiguer. Et levant les yeux au ciel, il disait « Seigneur, tu m'as commandé de conquérir cette cité qui règne sur l'univers, et j'ai conquis cette cité. Tu m'as commandé d'y fonder ta capitale, et j'y ai fondé ta capitale. À présent, Seigneur, c'est ta ville. Et je vais à toi, car mon labeur fut ardu. » C'était « Comment Pierre fonda la ville » par Henryk Sienkiewicz.